Jamais Henri ne resterait 5 minutes sans me dire ce qu'il a sur le cœur. Voyons, qu'as-tu, gros chéri? Faisons notre petit déballage. Disons tout et vivement à notre petite louloute. » Et elle frôla le visage de Crevel avec ses cheveux, en lui tortillant le nez. « Peut-on avoir un nez comme ça ? » reprit-elle, « et garder un secret pour sa Vava Lélé Riri ?» Vava, le nez allait à droite, Lélé, il était à gauche, Riri, et elle le remit en place. « Eh bien, je viens de voir !» Crevel s'interrompit, regarda Madame Marneff. « Valérie, mon bijou, tu me promets sur ton honneur, tu sais, le nôtre, de ne pas répéter un mot de ce que je vais te dire. Connu, mère, on lève la main, tiens, et le pied. » Elle se posa de manière à rendre Crevel, comme à dire à Belay, déchaussée de sa cervelle jusqu'au talon, tant elle fut drôle et sublime de nue visible à travers le brouillard de la batiste.